réveille des nuits d'emprunt. Je me complète dans mes problèmes. Ne me force pas la main. Je n'écris plus de poèmes. Et ouais, j'ai perdu la main. Et mon cœur il était accroché. T'interdis de te rapprocher. Même si c'est moi qui t'ai approché. Tu viendras me le reprocher. Avec moi, oui, tout est flou. Je disparais tout à coup. J'y peux rien, mon rapport à l'amour. Est conflictuel, je l'avoue. Avec moi, oui, tout est flou. Tout est flou. Avec moi, oui, tout est flou. Tout est flou. Tu es au cœur du premier choix. Ne te comporte pas en option. Mais moi, je suis polémique. Tu vois, j'ai pas géré ma consommation. Lorsque tes yeux me prennent mon cible, je me sens piégé, je me défile. Sentimentalement indisponible, je suis une âme en deuil. J'attendrai que ton sommeil soit lourd. Je m'en irai sur le tard, bien avant que le soleil soit rouge. Tu ne verras plus après ce soir. J'attendrai que ton sommeil soit lourd. Je m'en irai sur le tard, bien avant que le soleil soit rouge. Je lui avais tout donné. Je n'ai aucune envie d'être passionnée.